Mexico. Les ai vus à Moscou vomir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre Cardin. Les ai vus à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons pour une poignée de petits changes. Les ai vus à Montréal dans leurs bureaux, avec leurs sales yeux de boss, leurs sales voix de boss, leurs sales faces de boss, hautains, méprisants, arrogants, incantés avec leurs chemises blanches et leur aquarelle blanche. Avec leurs Mercedes, leurs raquettes de tennis ridicules, comme des remords, gras et épais avec leurs faces plates, pis leurs party de cabane à sucre, plein de morts jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions, crosseurs, menteurs, voleurs, et ça se reproduit de père en fils, l'ombre pour l'humanité. Círcora.